Le Vatican. Le pape habite au Vatican, lui et sa nombreuse famille. Enfin, sauf sa femme, vu qu'il n'en a pas, et ses enfants, vu que pareil. Heureusement que le pape a ses parents et une flopée de cousins, car sinon il serait la risée de ses petits camarades, à commencer par les cardinaux venus des quatre points cardinaux, et en continuant avec les gardes suisses venus de Suisse et les prêtres venus du petit pays alpin de prêtrie. La Suisse et la prêtrie ont en effet d'excellentes relations avec le Saint-Siège, la première étant son fournisseur attitré en chocolat, montres et chair à canon, et la seconde en papier peint, pour les décorum, savon, pour faire des bulles, ainsi qu'hommes et femmes d'église. Les cardinaux font partie de la famille des Fringillidés. Ce sont de petits granivores reconnaissables à leur plumage rouge, et malgré tout ce que l'on peut dire sur les oiseaux, sont d'excellents gestionnaires fort appréciés au Vatican. Lorsqu'un pape décide de se retirer de ce monde, les cardinaux se rassemblent en nuée afin d'élire un nouveau souverain pontife. Une fois choisi, le nouveau pape s'enroule d'un cocon de soie pendant une semaine avant de ressortir avec un nouveau plumage et un ramage qui en fait le phénix des hôtes de ce bois. Le cocon est jeté au feu, la fumée permettant ainsi de faire savoir à qui veut bien l'entendre que le boss a changé. Les religieuses veillant au grain, le sacrifice de vierges n'a plus cours au Vatican depuis bien longtemps. Notons que le tourisme en avait d'ailleurs beaucoup pâti à l'époque. La langue parlée au Vatican, en dehors du latin, dans les cuisines, est le vaticanais, dont la racine finno-ougrienne ne fait aujourd'hui plus aucun doute. Le Vatican est aussi un lieu de repos et de silence. On dort bien au Vatican, du moins si on aime les chants d'oiseaux.